bonjour. Vous souhaitez vous ressourcer? Alors, cette méditation est faite pour vous. Installez-vous dans un endroit confortable, assis ou allongé, et prenez le temps de vous installer. Laissez votre esprit vagabonder quelques instants et concentrez-vous sur votre respiration. Recherchez cette sensation de détente qui s'intensifie à chaque inspiration. À votre rythme, prenez conscience de votre tête. Relâchez tous les muscles du cou, de vos épaules, les muscles du ventre, des hanches, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles. Commencez avec de profondes inspirations. Voilà. À votre rythme, laissez s'installer en vous un espace, une sensation, une pensée légère, profonde à la fois. Ce moment est un moment privilégié, un cadeau que vous vous faites, prenant soin de vous, de votre corps, de vos pensées. Concentrez-vous maintenant sur vos sensations. Sentez comme votre attention stimule le corps. Par exemple, en focalisant votre attention sur le bout de vos doigts, vous accélérez la pression sanguine. Sans rien faire de particulier, sans volonté, juste en dirigeant votre conscience sur les doigts. Vous pourriez diriger votre conscience sur bien des choses et sentir la vibration de la vie circuler en vous, tout entière. Augmentez cette sensation en vous. À chaque inspiration et à chaque expiration, les paupières fermées, ressentez d'autres parties de votre corps. Profondément détendu, vibrant. Ressentez cette inspiration. D'où vient-elle? D'où vient la beauté du monde? Sentez-vous vibrer votre âme? On dit que notre âme est plus qu'en nous, qu'elle est partout, autour et en nous, partout autour, presque la sentir vibrer, légèrement plus dense que l'air. Parfois, certaines personnes en voient les couleurs. Et vous ? Voyez-vous cet œuf de lumière tout autour de vous ? Ce cocon protecteur, doux et chaud ? C'est presque imperceptible parfois. Si l'on dit qu'un vêtement vous colle à la peau, il vaut mieux que ce vêtement de lumière se déploie, majestueux, lumineux. Vérifiez que votre lumière se déploie comme vous la rêvez. Vous pouvez la sentir maintenant, tout autour de vous. Et vous pouvez la bouger légèrement, la pousser un peu si elle est trop proche de ce corps. Et vous pouvez même l'intensifier en respirant plus profondément encore. Est-elle homogène? Si c'est le cas, respirez encore plus profondément. Si elle n'est pas homogène, réparez votre vêtement de lumière. Et laissez-vous flotter à l'intérieur. Flottez légèrement. Et bercé par la douceur de cette lumière, imaginez un endroit particulier, lumineux, où tout vibre et se relâche progressivement, un endroit de ressourcement. Vous êtes au bord d'une plage, dans l'eau, une plage que vous connaissez, et vous voilà ballotté par les vagues. Vous vous laissez aller et vivez ce ballottement comme un bercement. La mer vous berce délicatement, le soleil radieux. Le ciel bleu et votre corps flottant dans cet océan. Puis la mer se retire doucement et vous dépose sur le sable. La marée est basse. Le soleil vous réchauffe de ses rayons. Et vous sentez sous ce corps des connexions comme des racines connectées au sable humide. Et voilà que vous vous transformez progressivement en une algue à forme humaine. Le soleil assèche tout doucement. La chaleur s'intensifie, l'eau s'évapore, et telle une algue, vous vous recroquevillez tout doucement sur vous-même. Puis la mer remonte et vous recommencez à flotter, à onduler. Au rythme de l'océan. vous êtes ballotté par le courant qui s'intensifie progressivement et la température de l'eau diminue. Des nuages apparaissent et le ciel et le soleil se voilent de manière progressive. Puis le ciel s'assombrit. De gros nuages investissent l'espace au-dessus de vous. Vous êtes toujours là, flottant à la surface des eaux. Et il se met à pleuvoir. De grosses gouttes de pluie tombent sur chaque partie de votre corps, puis se mêlent à l'océan. Concentrez-vous sur cette sensation nouvelle, ce picotement délicieux des gouttes de pluie sur chaque extrémité de vos branches. Puis, la pluie s'intensifie. Quelques éclairs au loin apparaissent. Un orage se dessine. Une tempête gonfle les vagues et vous restez là, flottant, ballotté par cette force incommensurable. Les courants s'intensifient, toujours ballotté. Vous laissez les vagues se construire et se briser près de vous. Parfois vous plongez et aussitôt vous refaites surface. L'orage est là et vous laissez faire. Vous vous laissez porter par les événements. Progressivement, la mer se calme, les nuages se déchirent et les vagues diminuent. Le soleil apparaît. Le ballottement devient plus léger, plus stable. Le soleil vous réchauffe de nouveau. Et la mer apaisée vous dépose sur le sable au moment où la marée devient basse. Elle vous dépose en douceur sur la rive et vous retrouvez le sable chauffé par les rayons du soleil. Et cette plage qui vous est familière. Progressivement, cette algue redevient ce corps qui est le vôtre. Et assis face à cet océan apaisé, ce soleil radieux, vous sentez comme une force monter en vous. Comme si chacune de vos cellules avait intériorisé, mémorisé, intégré cette expérience. Comme si un apprentissage nouveau vous avait été donné. Comme si maintenant vous saviez, de manière précise et profonde, vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations de la vie, bonnes ou mauvaises, tumultueuses ou apaisées. Vous savez désormais que la sérénité règne en vous, qu'une force nouvelle, puissante, vous accompagne au moment où vous reprenez contact avec votre corps. Totalement ressourcé, apaisé. Et vous pouvez laisser vibrer encore quelques instants cette douce énergie de vie en vous, dans votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux et vos mollets, jusqu'à la pointe de vos pieds. Vous savez, et c'est tellement agréable d'être centré, connecté à soi. Voilà, ressourcé, riche d'une nouvelle expérience de vie, prêt à créer. Quand vos yeux s'ouvrent sur ce nouvel épisode de votre vie.